sous le pont noir, elle se tient matin et soir, la vieille radeuse aux yeux flétris, y a trop de lumière en plein Paris, elle fait maintenant les environs dans les Renault et les Citroën. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou, naturellement c'est là-dessous qu'on s'embusque, quand ça ne prend plus sur le boulevard Rochechouart. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-business sont toujours un espoir. Pont noir, c'est merveilleux, y a des petites filles pour vieux messieurs, elles leur font pssst, j'ai 14 ans, arrêtez-vous, profitez-en, mais on devine à leurs appâts que les mois de nourrice ne comptent pas. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou, naturellement c'est là-dessous qu'on s'embusque, pour présenter ce qu'on ne peut plus faire voir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-amour ont toujours un espoir. Quand c'est une dame qui tient le volant, c'est le vieux Julot de Ménilmontant qui s'approchant d'un air narquois propose la botte de fleurs des bois. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que très souvent l'auto s'arrête un grand moment. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin qu'on soit un coq de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou, naturellement c'est là-dessous qu'on s'embusque, quand la volaille hélas vous laisse choir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, tous les sans-uns ont toujours un espoir.